explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Au printemps 1968, quand le film sort, l'accueil de la critique est glacial. Lors de l'avant-première à Washington, 241 spectateurs quittent la salle avant la fin de la projection. Le nouveau film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, est loin de faire l'unanimité. Une célèbre critique de l'époque écrira même « Ce film est d'une absence d'imagination monumentale ». Il faut dire qu'à l'écran, les spectateurs découvrent un film de science-fiction d'un nouveau genre, offrant une vision du futur inédite. Des vaisseaux spatiaux d'un réel incroyable, des tunnels d'images psychédéliques. Kubrick propose une sorte de conte métaphysique, une épopée à la fois technologique et mystique. 50 ans plus tard, le film est devenu culte. Il a inspiré des générations de cinéastes, mais aussi des scientifiques. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur cet ovni cinématographique qui, un demi-siècle après sa sortie, est loin d'être dépassé. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter. Je ne sais si nous reverrons jamais le globe terrestre. Daniel Fievé. Nous sommes transportés dans l'espace. Le temps d'un bivouac. Observe. Bonjour et bienvenue pour ce bivouac cosmique entre science et fiction. Nous aurons pour guide aujourd'hui Sam Azoulis et Jacques Arnould. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Jacques Arnould, chargé des questions éthiques au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Vous venez de publier « Oublier la Terre, la conquête spatiale 2.0 » aux éditions Le Pommier. Et Sam Azoulis, cinéaste, philosophe, vous êtes l'auteur de Stanley Kubrick, une odyssée philosophique aux éditions de La Transparence. Vous allez donc nous dire quel regard vous portez sur ce film devenu culte, 2001, l'Odyssée de l'espace, 50 ans après sa sortie en salle, en quoi ce film était précurseur et comment Stanley Kubrick a travaillé pour imaginer des voyages spatiaux dont le réalisme force encore l'admiration aujourd'hui. À 17h, piolet, bonnet et crampons seront de rigueur. Nous tenterons l'ascension du Mont Blanc avec un novice qui s'est lancé dans cette aventure alors qu'il avait le vertige. Voilà pour les grandes étapes du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay et préparée par Alexandre Chaune et Sophie Vaux avec l'aide de Cyrielle Laborde. Ainsi parlait Zarathoustra, le poème symphonique de Richard Strauss, devenu la musique emblématique de 2001, l'Odyssée de l'espace. Cette musique et le film sont désormais associés à jamais, Sam Azoulis ? Ah oui, je pense effectivement qu'il n'y a pas que cette musique d'ailleurs de Richard Strauss, il y a aussi effectivement le Beau Danube Bleu, ouais. Il y a notamment aussi Ligeti, hein, qui avec ce requiem, ces musiques très avant-gardistes, ouais, a marqué. Oui. Ouais. Ça c'est la musique qui accompagne le fameux monolithe noir, hein, la musique. Oui, le monolithe noir et puis aussi surtout la fameuse séquence trip, la séquence psychédélique de, ouais, 2001. De la fin. Voilà. Il y a beaucoup de séquences, déjà les paroles, le langage, hein, est peu présent dans ce film, mais il y a beaucoup de séquences assez contemplative. Oui, on pourrait presque dire d'une certaine manière c'est un film muet. Oui. Il est structuré un peu comme un film muet, cette espèce de grande symphonie. Et effectivement, le langage se fait rare. Ouais. Alors, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais il occupe quand même une place importante, intéressante du moins. Quand est-ce que vous avez vu, vous, Sam Azoulis, 2001, l'Odyssée de l'espace pour la première fois ? Vous vous souvenez de l'effet que ça a produit ? Je m'en souviens très bien, puisque c'est une des premières fois où je découvrais aussi le cinéma et d'une très étrange façon, puisque je devais avoir 7-8 ans et j'étais à Rome à cette époque-là, tout seul dans une chambre, et j'ai allumé la télévision parce que je m'ennuyais, et là j'ai vu que la télévision, enfin j'ai cru en tout cas que la télévision était en panne. En fait, c'était les images psychédéliques. C'était les images psychédéliques, donc j'ai paniqué un moment, je me suis dit oulala, je vais me faire gronder, et puis en fait non, j'ai vu ce type en combinaison orange arriver dans une salle de bain 18e, ouais, et là j'étais fasciné. Ouais. Après j'ai mis un peu beaucoup plus de temps pour, ouais, commencer à comprendre. Ouais. De donc quoi vous êtes entré dans le film par la fin, d'une certaine manière. Exactement. Vous êtes entré dans le film par la fin. Jacques Arnoux, même question question. Vous vous souvenez quand vous avez vu ce film pour la première fois? Absolument pas, je l'avoue tout de suite. Ouais. Simplement que je m'y suis intéressé dès lors que je suis rentré dans le milieu spatial. Je suis pas venu par le film, mais plutôt le film est venu par moi, par l'espace. Alors ça, c'est très intéressant. Vous travaillez au CNES, hein, le Centre National d'Études Spatiales. Est-ce que parmi vos collègues, beaucoup vous parlent de ce film, ont un rapport particulier à ce film? Peut-être pas à ce film en particulier, mais il est clair que beaucoup de mes collègues, je pense parmi les plus âgés comme parmi les plus jeunes, eh bien, nous sommes tous inspirés par tout ce monde de la fiction qui nous a accompagnés à travers des films, à travers des romans, à travers des bandes dessinées. Et tout cela continue, je pense, à nous marquer dans notre travail quotidien. Sinon, dans notre travail quotidien, en tout cas, quand nous pouvons prendre le temps de rêver et de réfléchir à ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui à imaginer l'espace d'aujourd'hui et de demain. Moi, j'ai croisé beaucoup d'astrophysiciens en faisant ces émissions qui souvent font référence au film 2001. On a l'impression qu'il n'intéresse pas que les cinéphiles, les cinéastes. Il intéresse aussi les scientifiques, Samazoulis. Déjà, oui, pour plusieurs raisons. Déjà, on a cru y voir des inventions qui étaient révolutionnaires, à peine imaginables à l'époque. L'iPad, cette espèce de tablette que les astronautes utilisent. L'ordinateur HAL 9000 est lui-même un ordinateur très particulier puisqu'il y a des petits cristaux qui sont insérés à l'intérieur, qui ressemblent d'ailleurs de façon métonymique aux monolithes, hein, aux fameux monolithes, sauf qu'ils sont transparents. Et on se dit, mais de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un ordinateur quantique? Et puis, c'est le contexte. C'est un film qui est né lors de la conquête spatiale et qui avait aussi pour ambition de traduire cet état d'esprit. C'est vrai, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein, qui sort en 1968, soit un an avant que l'homme mette le pied sur la Lune, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment avant que nous y allions. Et comme tous les Américains de son époque, en 1962, Kubrick, donc il a 34 ans en 1962, et il entend, comme tous les Américains, ce discours de Kennedy. Mais pourquoi la Lune, se demandent certains. Pourquoi la choisir comme notre objectif? Mais ils pourraient aussi demander, pourquoi gravir la plus haute montagne? Pourquoi voler au-dessus de l'Atlantique il y a 35 ans? Pourquoi l'équipe de Rice affronte celle du Texas? Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune. Pendant que Kennedy se lance dans la course pour décrocher la Lune, Kubrick, de son côté, veut aussi décrocher son film, mais avant qu'on y aille sur la Lune, c'était important pour lui de montrer cette première vision? Oui, je crois aussi que ce qui était important, c'était d'être excellent, comme il était en tout, et notamment au cinéma. Donc il avait promis au producteur de faire le film le plus extraordinaire, le meilleur film de science-fiction jamais réalisé. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'il a tenu sa promesse. Il l'a conçu avec l'aide de Arthur C. Clarke, qui est donc un écrivain de science-fiction, mais aussi un scientifique. Ça, c'était important de le préciser quand même, puisque Clark, non seulement est l'inventeur du système d'alerte radar, donc qui a servi à la Royal Air Force, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi et surtout, il est l'inventeur du fameux satellite géostationnaire. Et donc, par conséquent, c'est non seulement un écrivain, mais aussi un scientifique. Et donc, ces deux super cerveaux se sont réunis pour essayer de fabriquer ce film extraordinaire de science-fiction. Encore un exemple, Jacques Arnoux, des passerelles qui peuvent exister entre les chercheurs, les ingénieurs, en l'occurrence Arthur C. Clarke est auteur de science-fiction, il est aussi ingénieur à la NASA et il va créer des passerelles, hein, entre Kubrick et le monde des ingénieurs. Bien sûr, et ça on sait, mais vous savez mieux que moi que Kubrick s'est énormément appuyé sur la compétence de la NASA. Comme vous l'avez rappelé, la NASA va poser deux hommes sur la Lune un an plus tard, mais vous imaginez bien que pour pouvoir poser deux hommes en juillet 69, en printemps 68, tout est déjà construit et tout est déjà imaginé. Et ils sont déjà en train d'imaginer l'étape suivante. Donc, il est très difficile de dire qu'on est en avance. Non, ils sont contemporains, aussi bien le réalisateur que les ingénieurs, parce qu'il s'agit beaucoup d'ingénieurs, que les ingénieurs de la NASA. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les choses se font ensemble et en même temps. C'est ce qui me semble vraiment pertinent. Il est extrêmement documenté. Hein. Mmh. On peut prendre dans ce film l'apesanteur. Pour le moment, on a très peu représenté, on n'a pas vu. Maintenant, on est habitué, hein, avec la Station Spatiale Internationale, à aller voir ces astronautes évoluer en apesanteur. Lui a dû imaginer ce à quoi ça allait ressembler. Je trouve qu'il va au-delà de l'imagination, mais c'est ça qui est intéressant. Parce que reproduire la réalité de l'apesanteur, à l'époque, il y a quand même 7 ans que des astronautes et des cosmonautes allaient dans l'espace. Des images d'apesanteur, même si on ne les avait pas avec autant d'aisance et de volume qu'en une station, nous les avions déjà. Mais je n'ai pas vu le film très récemment, mais l'image de ces hôtesses de l'espace se déplaçant c'est pas du tout ça, mais c'est quand même magnifiquement représenté, c'est-à-dire que ça nous fait vraiment rêver sur une réalité. Mmh. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant d'une fiction. Pas reproduire strictement la réalité, mais au contraire, voir ce qu'il y a derrière la réalité. Mmh. Et la question de la pesanteur, une question intéressante, parce que nous, elle nous fait rêver. Mais pour un ingénieur, ou ceux qui ont conçu aussi bien les fusées Apollo, les capsules Apollo, que ceux qui concevront des vaisseaux vraiment spatiaux, c'est la chose qui est gênante. Ouais. Parce que mettre un être humain en apesanteur pendant plus de 8 jours, c'est la catastrophe dès qu'il va arriver. Alors en arrivant sur la Lune, c'est quelques jours d'apesanteur. Très bien. Mais ils arrivent sur la Lune et brutalement, c'est une gravité différente. Ils ont perdu un peu de muscle. Ils vont perdre des os s'ils restent plus longtemps. Ouais. Donc, ce qui nous fait rêver à travers ces êtres absolument presque angéliques qui se baladent dans une navette, c'est un problème pour des ingénieurs. Donc, il faut faire très attention à ce que nous percevons, nous, à l'écran, et la réalité de l'ingénieur. Mais au contraire, il y pense, Stanley Kubrick, Sam Azoulis, il imagine cette centrifugeuse, on les voit faire de l'exercice, ces astronautes qui sont confrontés à la pesanteur pour se maintenir en pleine forme. Donc, il a complètement pris en compte les contraintes de la pesanteur. Je pense qu'il a pris en compte beaucoup de choses, en fait, pour fabriquer son film, puisqu'il s'est entouré de spécialistes, de consultants, effectivement, de la NASA, comme Fred Ordway, ou d'autres scientifiques qui, et puis de grandes structures comme la NASA, IBM, Boeing, General Electric, Panam à l'époque, et qui lui ont apporté son soutien logistique. Donc il a bénéficié d'énormément d'informations qu'il a dû ensuite gérer comme un super ordinateur pour fabriquer ce futur artificiel, ce futur de science-fiction. Et il l'a fait comme un documentariste en quelque sorte. Oui, alors ça. À chaque fois, il devait trouver des astuces pour que ça paraisse vraisemblable. Et il y a eu énormément d'avancées du point de vue des effets spéciaux, tout simplement. C'est un film qui, de ce point de vue-là, est révolutionnaire. Alors évidemment, on va y revenir d'ailleurs dans la suite de cette émission à l'aspect effets spéciaux, qui était aussi un aspect remarquable. On est très technologique, on dit qu'il s'est renseigné. Il ne faudrait pas perdre de vue que c'est aussi un film un peu mystique. Il y a vraiment une dimension mystique dans ce film qui fait rimer mystique et technologique. Je vous propose d'écouter, on parlait d'Arthur C. Clarke, je vous propose d'écouter Arthur C. Clarke, avec qui il a travaillé, Stanley Kubrick, au sujet donc du film. C'est un film métaphysique, philosophique et même en quelque sorte religieux. C'est un film sur les rapports de l'homme avec l'univers, avec les forces supérieures de l'univers et, si vous voulez, avec Dieu. Il n'y a pas d'allusion directe à Dieu dans le film et dans le livre, Dieu est seulement une notion implicite. Mais si quelqu'un veut voir dans ce film l'histoire des rapports de l'homme avec Dieu, je trouve qu'il en a tout à fait le droit. Il est d'ailleurs curieux de voir comme des gens de toutes les religions, des bouddhistes, des catholiques, etc., sont tous également enthousiastes du film. Certaines personnes ont du mal à saisir le ton du film. En fait, ce que nous avons recherché, c'est, selon l'expression même de Stanley Kubrick, un effet de dislocation. Et je crois que nous y sommes parvenus. En préparant le film avec Kubrick, j'ai écrit en même temps le roman et le scénario. Et chacun a sa valeur propre. Dans le film, l'impact visuel de l'espace passe en premier. Et dans le roman, c'est l'aspect philosophique qui domine. Jacques Arnoul, elle est importante aussi, cette dimension métaphysique du film. Oui, d'autant plus que Arthur C. Clarke n'a pas eu cette seule occasion de dire que les dimensions métaphysiques l'intéressaient beaucoup. Il a, dans d'autres occasions, dans ses écrits, dans ce qu'on a pu dire, a marqué que son œuvre de science-fiction est une œuvre qui peut conduire à une réflexion métaphysique, ne serait-ce que ce qu'il vient de dire à l'instant, quand il parle de plusieurs religions. On sait qu'il est mort au Sri Lanka, donc dans une culture différente de celle dont il est originaire, et cet intérêt pour sans doute la diversité des cultures, et aussi le fait... Quand moi je pense à 2001, l'Odyssée de l'espace, je pense toujours en fait 2001, l'Odyssée de l'espèce humaine. L'espace est un lieu absolument superbe et qui est finalement mis en scène, on vient de le dire, de manière assez extraordinaire aujourd'hui encore. Mais c'est d'abord l'histoire, notre histoire qui est racontée. D'ailleurs, c'est découpé en 4 chapitres. Le premier chapitre, on est sur une Terre antérieure, avec des australopithèques, des hominidés, qui, là encore, ne s'expriment pas encore, ou alors par cri. D'ailleurs, je me mets à la place d'un auditeur qui n'a jamais vu le film avec ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Là, on parle d'australopithèques, on parle d'images psychédéliques, on parle de mystique, on parle d'un film étonnant de réalisme, de science-fiction. Sam Azoulis, aider-les à se faire une représentation un peu juste de ce qu'est ce film. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « je n'ai jamais vu ce film, de quoi ça parle, qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce qu'on y voit ?» Qu'est-ce que vous dites ? Ben, je pense que ce que vous venez de dire est tout à fait juste, à savoir que c'est un film qui a une grande ambition philosophique, et cette ambition n'est rien moins que l'odyssée effectivement de l'espèce, mais plus que ça, c'est l'évolution de l'espèce et comment elle s'est peu à peu affranchie des déterminismes de la nature en parvenant à passer certains seuils. Alors le monolithe, cet objet étrange qu'on peut assimiler à Dieu, qu'on peut assimiler à des extraterrestres et à bien d'autres choses, il y a eu beaucoup d'hypothèses à ce sujet, va aider en quelque sorte ce proto-humain, ce singe, à devenir autre chose. Et autre chose, c'est quoi ? Ben, c'est l'homme contemporain, l'homme moderne, qui va à nouveau partir en quête de ce monolithe qui cette fois se trouve beaucoup plus loin. Voilà comment on pourrait résumer presque ce film de manière très très simple. Ah oui, ah ben, un joli tour de force, merci, j'aurais pas fait mieux. Un bivouac cosmique entre science et fiction, on s'intéresse à 2001, l'Odyssée de l'espace, 50 ans après la sortie de ce film qui a révolutionné le genre. Pour participer à l'émission, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un bivouac. Veuillez vous présenter à l'identification vocale. Quand vous verrez s'allumer le voyant rouge, ayez l'obligeance de donner les renseignements suivants. Votre destination, votre nationalité, ainsi que vos noms et prénoms. Parlez normalement et détachez bien chaque réponse. Lune, américain, Floyd. Heywood Richard. Merci. Votre identification vocale est terminée, vous êtes en règle. C'était la Lune, Barbagallo sur France Inter. J'ai vu 2001 la première fois quand j'étais enfant, j'avais 7 ans, je pense, et mon père m'a emmené le voir à Londres, sur le plus grand écran, c'était en 70 mm, et je n'ai jamais oublié cette expérience. Pour moi, cette expérience représente les possibilités du cinéma. Le fait de s'échapper, la réflexion, l'idée de l'écran qui véhicule une fenêtre à travers laquelle on emmène le spectateur en voyage. Le réalisateur Christopher Nolan s'enthousiasmant sur le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Aujourd'hui, nombreux sont les réalisateurs, les cinéastes à se revendiquer, à se réclamer hein, de ce film et de Stanley Kubrick. Quand le film est sorti en 1968, ça n'a pas tout de suite suscité l'intérêt, hein, Sam Azulis. Non, pas tout à fait. Vous aviez cité tout à l'heure cette fameuse critique, en fait, il s'agit de Pauline Kael, ouais. Qui non seulement a dit que ce film n'avait aucun sens, mais qui en plus, Kubrick s'était comporté comme un enfant gâté. C'est-à-dire qu'il avait joué avec d'immenses Lego qu'on lui avait donné et qu'il avait fait un grand n'importe quoi. Donc il y a eu ça, il y a eu quelques quand même critiques qui ont été plus lucides et qui ont commencé à comprendre. Mais ce qui a changé les choses, en fait, c'est en quelque sorte la révolution de la contre-culture hippie qui a fait que peu à peu, le film, puisque les films restaient beaucoup plus longtemps en salle à l'époque, les gens y allaient en fumant des joints et en y allant parce qu'il y avait cette fameuse séquence strip, donc une expérience psychédélique. Et qui est à la fin, hein, il faut l'attendre. Oui, hein, il faut attendre. Mais ça dure longtemps, ça dure une vingtaine. Mais le film lui-même, il y a au centre du film, au début du film, ce ballet cosmique avec l'immense station orbitale, on dirait presque de l'avant-garde. Donc le film est un spectacle abstrait quasiment. Et donc, on est dans un état alternatif, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup apprécié ce film sans rien y comprendre. Oui. Et d'ailleurs, comme le disait Nolan, et comme le dit lui-même Kubrick, le film est d'abord conçu comme une expérience visuelle. Kubrick disait qu'il contournait l'entendement, qu'il ne voulait pas s'adresser à la raison, mais à l'expérience sensorielle. Tout de même, à la fin de l'émission, on entendra un début d'explication de Stanley Kubrick qui, au bout d'un moment, quand on le pressait de questions, a fini par donner des débuts d'explication. Donc, si vous voulez avoir l'explication de Stanley Kubrick de la fin du film, hein, qui est la plus énigmatique, ce sera pour la fin de cette émission. Alors, on parlait des effets spéciaux parce que, cette critique qui dit il a assemblé des Legos, là, c'est très injuste. Il a vraiment fait un travail formidable au niveau des effets spéciaux on sort du carton-pâte, on est dans un réalisme absolu et il va imaginer des nouvelles techniques pour créer du jamais vu. D'ailleurs, le seul Oscar qu'il a reçu, finalement, c'est pour 2001 et c'est pour les effets spéciaux. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé dans ce film? Beaucoup de choses. Le maquillage, d'abord, hein, le maquillage de Stuart Freeborn, qui est absolument incroyable. La projection frontale, qui est en quelque sorte ce qu'il utilise au départ pour recréer ses paysages africains et mettre en scène ses hommes singes. En fait, il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit de l'ancêtre du fond vert, qu'aujourd'hui on utilise dans tous les films quasiment hollywoodiens. Les vaisseaux. Des maquettes hyper réalistes. On n'a jamais poussé le détail aussi loin. Kubrick est allé donc très très loin, donc il peut faire de gros plans et on peut vraiment se dire que ce sont des vaisseaux crédibles. Le dispositif de motion control. La motion control, qu'est-ce que c'est? C'est une caméra qui est pilotée par ordinateur et qui permet de faire des plans composites, c'est-à-dire constitués de différentes couches. Et ça va permettre rien moins que la guerre des étoiles, par exemple. Et toute la science-fiction, enfin le cinéma de science-fiction. La grande roue, dont vous aviez parlé. Alors, la grande roue, c'est cette centrifugeuse qui, en tournant, recrée un semblant d'apesanteur. Et ça, Jacques Arnoux, au CNES, on réfléchit, alors c'est pas exactement la même chose, mais on réfléchit à des systèmes de centrifugeuses pour recréer une apesanteur chez les astronautes. Je pense que Kubrick s'est inspiré, là une fois encore, de ce que ses amis ingénieurs de la NASA lui ont expliqué, ce qu'on avait compris depuis très longtemps, et en même temps, il est, je dirais, le premier à l'avoir mis en œuvre, parce que nous attendons encore pas nécessairement la technologie, mais l'occasion, parce que tout ça coûte encore plus cher qu'un film de science-fiction à mettre en œuvre. Ouais. Et puis, surtout, il faut, je dirais, avoir la mission qui va avec. Ouais. Parce que nous pouvons aussi relire ce film en sachant que cette mission vers Jupiter, elle est basée sur une mission qui d'ailleurs reste un peu secrète, si je me souviens du film pendant un certain temps. Ouais. Eh bien, voilà, il y a un but bien précis. C'est comme, on a entendu Kennedy tout à l'heure, nous allons aller sur la Lune. Mm-hmm. Et lorsque le but est précis, même s'il reste secret, comme dans le film, eh bien, à ce moment-là, nous sommes capables de mettre des moyens extraordinaires pour le remplir. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore de but, en tout cas, suffisamment précis et avec un discours aussi précis que celui de John Kennedy pour aller, par exemple, vers Jupiter et créer cette grande roue. On peut aussi se demander à quel point ce film est visionnaire et finalement visionnaire pour un futur que nous n'avons pas encore atteint, même si lui, il datait 2001, l'Odyssée de l'espace. Peut-être que c'est un futur plus lointain qu'il nous montre. Et il y a à bord de ces vaisseaux, par exemple, des cosmonautes qui sont mis en hibernation. Mmh. Est-ce que des agences spatiales réfléchissent sérieusement à mettre des cosmonautes en hibernation pour les faire voyager plus loin ? Très honnêtement, je ne crois pas qu'aujourd'hui nous y réfléchissions sérieusement, c'est-à-dire que nous y mettions des moyens. C'est là encore des technologies qui sont connues de longue date, maintenant qui ne sont absolument pas maîtrisées, et surtout, nous ne connaissons pas du tout les conséquences de l'application de telles technologies sur des humains. Mmh. Donc il n'est pas question demain d'aller utiliser des grands congélateurs spatiaux parce que au bout du compte, je ne sais pas du tout ce que nous trouverions. Ouais. Alors si vous mettez l'apesanteur de décongélation, ouais. Voilà, c'est pour ça que nous sommes effectivement dans 2001 bien au-delà des 30 des ouais. 30 ans ou 32 ans qui sait pas ou 33 ans qui séparaient de la sortie du film. Ouais. Mais c'est le propre de la fiction. Vous savez, le premier à avoir fait de la fiction spatiale, il s'appelait Johannes Kepler, et il a écrit en 1610 « Nous allons aller dans l'espace ». 1610, 1961, vous voyez, nous avons de la marge. Oui, c'est ça. Il est peut-être visionnaire au-delà de peut-être des périodes que nous ne connaîtrons pas. Alors, il se sert beaucoup de la technologie pour son film, et il porte aussi un regard sur la technologie dans son film. Le personnage principal du film, peut-être celui qui parle le plus, avec le plus d'aisance, avec le plus d'émotion, eh bien c'est une machine, un ordinateur hyper puissant, qui est d'ailleurs interviewé dans son film. Bonjour Karl, comment ça va à bord ? Bonjour Monsieur Hammer, tout est parfaitement en ordre. Karl, vous avez une énorme responsabilité dans ce voyage. On pourrait dire que vous portez la plus grande part des responsabilités confiées aux membres de ce vaisseau. Vous êtes en fait le cerveau et le système nerveux de l'astronef. Et vous êtes programmé aussi pour surveiller l'état des savants qui sont en hibernation. Vous est-il jamais arrivé de douter de vos capacités ? Permettez-moi de vous répondre en d'autres termes. La série de superordinateurs Karl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Aucun appareil de cette série n'a jamais fait d'erreur, ni même déformé un renseignement. Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis, parfaitement au point et incapables de nous tromper. Karl, malgré votre immense capacité de raisonnement, éprouvez-vous un complexe du fait que vous dépendez des hommes pour mener à bien vos instructions ? Pas le moins du monde. Je suis heureux de collaborer avec l'homme. Dans la version française, le super ordinateur s'appelle Karl. Dans la version originale, il s'appelle Hal. Cet ordinateur, Sam Azoulis, vous êtes d'accord pour dire que c'est le personnage principal du film ? Je pense qu'en tout cas, c'est l'une des figures les plus marquantes, ça c'est certain, du film. Et puis surtout, il a une résonance mythologique, cet ordinateur, parce que c'est un œil, un œil panoptique qui voit tout et dont le corps est finalement, là encore, métonymique de ce qu'on trouve dans 2001, c'est-à-dire une sorte d'os, gigantesque os blanc flottant. Si on regarde bien le vaisseau spatial Discovery, on a l'impression de voir cet os. Donc, c'est un être absolument étonnant et si on poursuit un petit peu l'analogie, on pourrait dire presque que c'est une... D'ailleurs, le film s'appelle L'Odyssée de l'espace. Et c'est l'histoire d'Ulysse, ce nouvel Ulysse des temps modernes, Dave Bowman. Bowman, c'est l'homme arc, l'homme tendu vers quoi ? Peut-être vers le surhomme, vers le fœtus astral, qui va affronter le cyclope. Hal. Cet œil rouge de omniscient, voilà, qui voit tout. Et donc, il y a un contraste étonnant et fondamental dans ce film entre cet ordinateur finalement très affable, qui discute beaucoup, qui parle, qui veut voir les dessins, et puis les astronautes qui sont totalement déshumanisés, dévitalisés, quasiment dévitalisés. On les voit tourner en cage comme des hamsters dans leur roue. Ils écoutent de manière très distraite leurs parents qui leur parlent de très loin en prenant une séance d'UV, mais ils ne semblent ressentir aucune émotion. Finalement, ce sont des agents de la technique. Et on a l'impression que leur chef, le grand boss, le chef suprême de la technique, c'est Hal. Ouais. Donc, le film, c'est cette lutte entre l'homme et la machine. Ouais. Jacques Arnoux, vous qui êtes responsable des questions éthiques, le Centre National d'Études Spatiales, là, on a 50 ans avant un débat qui nous occupe aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, sur le lien entre l'homme et la machine. C'est pour ça que, à nouveau, ce film est très inspirant. Puisque vous demandiez à résumer en quelques minutes ce film, pour moi, c'est une des plus belles illustrations de la question de l'autre. Justement, Odyssée de l'espèce humaine, dans sa rencontre de l'autre. Ouais. L'autre, c'est l'Australopithèque, puis ensuite, c'est juste, entre autres, c'est l'autre, celui que nous avons créé, cette intelligence artificielle, auquel nous avons quand même oublié d'enseigner une chose, c'est le respect de l'homme. Ouais. Et pour moi, c'est essentiel. Ouais. Et ça, c'est la grande leçon. C'est qu'il a une mission, il a très bien compris cela. Il l'a parfaitement et tellement bien intégré qu'il va tout faire pour remplir cette mission. Ouais. Donc, se débarrasser des gêneurs que sont les humains, comme vous venez et de leur décrire. Nous allons y venir. Alors là, il faut quand même qu'on avertisse l'auditeur. On rentre un peu dans la séquence spoiler de l'émission. Si vous voulez découvrir le film avec un regard neuf, peut-être qu'il ne faut pas écouter. Vous écouterez le podcast ensuite, une fois que vous aurez vu le film. Parce qu'effectivement, alors, ça va nous donner en plus l'occasion d'écouter la voix de Hal en version originale, qui est très belle, hein, qui a aussi marqué les esprits. Donc on va l'écouter. Nous sommes dans ce cas bien précis où justement Hal, ce super ordinateur, décide de prendre les choses en main. Il sent que les hommes commencent à se méfier de lui. Il a fait une erreur, donc on parle de le débrancher. Alors il entreprend de zigouiller tout l'équipage, de se passer d'eux. Et il y a Dave, ce cosmonaute, qui est sorti avec un petit module. Il est à l'extérieur. Il demande à rentrer dans le vaisseau. Et Hal lui oppose une fin de non-recevoir. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Hal, avec la voix de Douglas Rain, qui est un acteur canadien, qui a aussi marqué les esprits et les oreilles. Hein. Cette voix, elle est très importante, Samazulis, cette voix du robot tranquille et inquiétante à la fois. Oui, parce que ce robot, enfin cet ordinateur, cette intelligence artificielle, finalement, ce n'est pas simplement une machine de Turing, c'est-à-dire qu'un robot qui effectuerait des opérations, des calculs. Il y a chez lui quelque chose qui s'apparente à la machine noétique, probabiliste, qui ressemblerait au cerveau humain, c'est presque un design artificiel, ou du moins une existence. On sent qu'il y a une angoisse existentielle. D'ailleurs, la fameuse séquence de la déconnexion, de ce point de vue-là, est emblématique. Mais oui, il y a une conscience chez cette machine. Et c'est ça qui est terrifiant. Et à la fois, c'est ça qui est fascinant, puisque ce que veut nous dire Kubrick, là, c'est qu'il oppose l'homme. Et d'ailleurs, les acteurs étaient complètement étonnés, déroutés de voir que Kubrick leur demandait de jouer de la manière la plus neutre possible, alors que l'ordinateur, lui, est tellement sympathique et chaleureux. Ouais. C'est parce que, en réalité, il est, comme vous l'avez si bien dit, il va se débarrasser des humains parce que il est en lutte contre une autre espèce, contre l'espèce humaine. Dans la suite qui a été faite de 2001-2010 par Peter Yams, il y a une interprétation très factuelle de ça. On dit, oui, il y a eu un conflit, c'est un problème logique. En fait, il avait une mission et en même temps, il ne devait pas dire cette mission, donc il a bugué. Alors que dans 2001, quand on regarde bien le film, ce qui est très intéressant, c'est qu'il malfonctionne parce qu'il teste en permanence les humains et il s'aperçoit qu'ils ne sont pas à même de remplir leurs tâches. Ouais. Donc, il doit s'en débarrasser. D'ailleurs, le seul déchet qu'on voit dans l'espace, c'est le corps de l'astronaute Poole qui dérive dans l'infini, dans le vide cosmique. 2001, l'Odyssée, c'est aussi un film très contemplatif. Hein, peut-être pour nous laisser justement le temps de réfléchir à tout ça et à notre place dans l'univers par rapport aux machines. De longues scènes avec des vaisseaux évoluant dans le vide spatial. Sur cette musique du beau Danube bleu de Johann Strauss, les images vous reviendront peut-être en mémoire. Le temps d'un bivouac, sur France Inter, Daniel Fievé. Il y a trois semaines, un vaisseau spatial américain, Explorateur 1, a commencé son long périple en direction de Jupiter. Pour la première fois, un engin habité va essayer de rejoindre cette planète, distante de 700 millions de kilomètres. Il y a quelques heures, notre reporter a interviewé l'équipage d'Explorateur 1 à plus de 132 millions de kilomètres de la Terre. Nos questions ont mis 7 minutes pour parvenir jusqu'au vaisseau spatial. Mais les temps morts entre questions et réponses ont été coupés pour faciliter la diffusion. Le beau Danube bleu de Johann Strauss. Kubrick nous donne l'occasion de passer un peu de musique classique dans le temps d'un bivouac et ça nous fait du bien. Sam Azulis, la bande son de 2001, l'Odyssée de l'espace, elle est très travaillée. Là encore, il nous prend un peu à contre-pied en nous montrant des images très futuristes, mais en prenant de la musique classique. Tout ça est réfléchi, évidemment. Oui, et d'autant qu'il nous avait déjà fait le coup dans Docteur Folamour, hein, pour ceux qui s'en souviennent, notamment ce plan introductif dans la séquence du générique de Docteur Folamour, où il y a le ravitaillement d'un bombardier, et en fait qui ressemble à une séquence presque pornographique avec des avions dans l'air. Là, c'est un petit peu le même principe, puisque on voit ces gigantesques vaisseaux de l'espace qui accomplissent ces rituels mécaniques qui sont très clairement des paraboles, en tout cas, de la sexualité. Alors, il n'y a pas d'érotisme, une sorte de geste grandiose de vaisseaux qui vont s'accoupler, se pénétrer, avec là aussi l'alunissement, donc sur la Lune, dans ce vaisseau ovoïde qui rentre dans sa matrice chaude. Donc tout ça, c'est pour nous dire, pour nous parler de ces machines et nous dire qu'elles vont parodier, elles vont imiter le vivant. Mmh. Mais leur grand drame, c'est qu'elles sont stériles. C'est le drame de Hal aussi. Finalement, elles n'ont pas de corps, ces machines. Ouais. Donc il utilise la musique et il l'utilise en contrepoint pour faire passer des idées qui sont beaucoup plus profondes en réalité. Oui. Alors, elles n'ont pas de corps, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne ressentent rien et qu'elles ne vont pas réussir à nous émouvoir. Parce que cet ordinateur un petit peu inquiétant, hein, un peu malveillant à l'égard des humains, au bout d'un moment, Dave, le cosmonaute survivant, décide de le débrancher pour sa propre survie. Et ça donne lieu, là encore, à une des scènes les plus marquantes du film et des plus émouvantes aussi. Dave, arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez, Dave. Arrêtez, Dave. J'ai peur. Dave. Mon cerveau se vide. Je le sens se vider. Je le sens. Je le sens. La respiration oppressante que l'on entend derrière, c'est celle de Dave, hein, du cosmonaute. Et puis, il y a cet ordinateur qui s'éteint lentement au fur et à mesure qu'on éteint ses mémoires, qui régresse dans son enfance, dans sa conception. Les astronautes sont déshumanisés et la machine semble éprouver des sentiments. Et on en vient presque à être ému par ce personnage qui était pourtant assez mauvais, assez méchant. Des questions encore très actuelles, 50 ans après, Jacques Arnoul, la machine éprouve-t-elle quelque chose ? Alors, la machine n'éprouve rien, mais je dirais simplement elle est le miroir de nos propres émotions. Parce que on pourrait lire aussi que de fait vous entendez cette respiration quand même assez difficile de l'astronaute. Ça, c'est la réalité physique de l'homme dans l'espace, est extrêmement bien rendue. Et de fait, ce que la machine est en train d'exprimer, c'est la peur de Dave lui-même qui sait très bien que cette machine, en la tuant, entre guillemets, enfin en la débranchant, il est en train d'enlever une aide permanente à sa mission qu'il va devoir remplir seul. Donc, est-ce que c'est Hal ou Carl qui a peur ou Dave qui a peur? Ouais. Moi, je crois que c'est surtout Dave qui a peur. Ouais. Mais ça, c'est l'astuce, évidemment, du réalisateur et de ce que nous pouvons lire. Ouais. Ou moi, je me permets cette deuxième lecture. Ah oui, mais elle est très intéressante. Sam Azulis, vous pensez qu'il a voulu nous dire quoi, Kubrick, avec ce face-à-face entre l'homme qui débranche la machine et la machine qui devient plus humaine que l'humain? Alors déjà, moi, je pense que cette machine est réellement consciente et est réellement souffrante. Donc voilà, on a déjà deux points de vue différents, mais on a toujours des points de vue différents sur ce film. Bien sûr, c'est un film qui appelle ça, par définition, par nature. futures. Mais ce qui est intéressant, c'est que les auteurs du film, en l'occurrence Clark et Kubrick, et Clark, par exemple, était convaincu que dans un futur très lointain, il l'a écrit à plusieurs reprises, l'avenir de l'humanité, bon, ce sera peut-être pas très réjouissant ce que je veux dire, mais c'est ce qu'il pensait, c'est que nous serons de véritables arches cosmiques pensantes. Nous nous transformerons en vaisseaux pensants, en vaisseaux conscients. Kubrick était obsédé aussi par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il a acquis les droits de ce qui plus tard est devenu AI, qui a été réalisé par Spielberg, l'histoire d'un enfant, une sorte de Pinocchio machine. Donc, tous les deux sont obsédés par cette idée d'intelligence artificielle, et même plus loin que ça, en fait, ce qui est le fond du film, philosophiquement, c'est, on pourrait presque dire que c'est le premier film post-humaniste. C'est un film qui ouvre le champ à de très nombreuses autres œuvres, de Blade Runner en plaçant par plein d'autres. Cet univers-là, c'est l'univers que Kubrick découvre. Ouais, Stanley Kubrick, effectivement, a influencé des générations de cinéastes après lui. Nous allons en avoir un aperçu avec la chronique de Jérémy Querenet en partenariat avec le CNES, l'Agence spatiale française. Non, ça va pas du tout, coupé. Arrête ton cinéma. C'est toi qui n'es pas dans ton élément. Né 40 ans trop tôt ou 40 ans trop tard. Dans le temps, on levait les yeux en cherchant une place parmi les étoiles. Peu de films auront autant marqué un genre, et aucun genre n'aura été autant marqué par un seul film. D'ailleurs, quand on est chargé de parler de l'espace au cinéma, croyez-moi, il est bien difficile de ne pas évoquer 2001, l'Odyssée de l'espace, dans chaque chronique. Comme le dit Michel Chion dans son livre sur les films de science-fiction, 2001 a obligé tous les suivants à se situer par rapport à lui. Soit en assumant de rester dans la veine des plus légers films spatiaux d'aventure, soit en le suivant, de près ou de loin, dans cette approche sérieuse, implicite et métaphysique. Incessant vers la vérité, l'homme est condamné à la connaissance. Tout le reste n'est que feu de paille. Permettez-moi de vous demander, estimable collègue, pourquoi êtes-vous venu ici à Solaris ? 4 ans après la sortie de 2001, et toujours en pleine guerre froide et course aux étoiles, le russe Tarkovsky propose aussi un grand film spatial loin des séries B extraterrestres. Solaris est souvent cité comme le film le plus proche de 2001, ou plus exactement, la réponse russe à l'ambitieux Kubrick. On retrouve effectivement la même idée de s'éloigner de la Terre pour mieux interroger l'humain, le même culot d'oser poser de grandes questions, et la même envie de s'affranchir des codes de la science-fiction. Mais le film de Tarkovsky est plus ancré sur Terre et moins tourné vers la technologie que celui de Kubrick, plus centré sur l'humain et moins sur l'humanité. Hé, venez par ici, il y a quelque chose de différent. 11 ans après la sortie de 2001, Ridley Scott nous propose un effrayant huis clos spatial avec une créature que nous allons apprendre à connaître au fil des décennies et des films, Alien. Un équipage coupé du monde, des séjours en hibernation, un ordinateur de bord intelligent, un robot passé amical et au final, plus de mystères que d'explications. Alien évoque souvent 2001. Alors bien sûr, Ridley Scott a des ambitions très différentes et Alien est surtout un grand film parce qu'il peut se résumer à un simple, mais beau, film d'horreur. Récemment, Scott a annoncé son envie de produire une série sur la suite de 2001, au risque cette fois-ci de s'approcher d'un petit peu trop près du chef-d'œuvre. Attention, robot détraqué. 40 ans après la sortie de 2001, le studio Pixar offre à Disney son premier vrai film de science-fiction, Wall-E. Avec une incroyable audace, pour une grosse production familiale, le film part d'un postulat apocalyptique des plus déprimants, et comme 2001, Wall-E est quasiment muet. En plus de quelques clins d'œil, comme la musique de Strauss et un ordinateur de bord qui a la forme d'un gros voyant rouge, le dessin animé prolonge la réflexion de Kubrick sur l'intelligence artificielle. Et comme dans 2001, cette réflexion n'impose pas forcément d'invoquer la figure des robots humanoïdes, parce qu'après tout, un petit robot nettoyeur sur roulette peut aussi avoir des sentiments amoureux. Si on fait chou blanc sur la planète Man, il faudra choisir entre rentrer sur Terre ou poursuivre jusque chez Edmunds pour le plan B. Alors vous auriez à choisir entre revoir vos enfants et assurer l'avenir de l'humanité. 46 ans après la sortie de 2001, Christopher Nolan, l'un des chouchous d'Hollywood, signe son grand film spatial, Interstellar. À la fois drame familial, réflexion sur l'humanité et vrai film de physique-fiction. Comme Kubrick, avec ses valses de vaisseaux et d'astronautes en apesanteur, Nolan s'amuse avec la gravité et en décline toutes les applications. Relativité du temps, effet de marée, trou noir, trou de ver. Si à la fin de son film, Nolan propose des scènes presque aussi étranges, poétiques et incompréhensibles que Kubrick, lui les justifie toutes par des lois physiques. Nolan a déclaré s'être tenu à bonne distance de 2001 lors de la préparation de son film, de peur sûrement d'être intimidé par le maître. Mais il a trouvé une autre façon de lui rendre hommage, puisque c'est donc lui qui vient d'orchestrer la ressortie en salle de 2001, l'Odyssée de l'espace, et c'est finalement le meilleur hommage à rendre au film. temps, on a besoin de vous sur le pont. Merci Jérémy Querenet, à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver la chronique de Jérémy et d'autres infos complémentaires sur le site du CNES, l'agence spatiale française dont nous sommes partenaires, CNES.fr. Sam Azouli, Azulis, que pensez-vous des exemples choisis par Jérémy dans sa chronique? Je pense qu'ils sont tout à fait excellents. On a parmi ces exemples des films très profonds, très très beaux, comme Wall-E ou Interstellar. Mais je pense que justement, par rapport à Kubrick, la singularité de Kubrick, c'est son ambition incroyable, et c'est de nous avoir proposé un film qui propose une interprétation, en tout cas qui a un présupposé anthropologique très fort. Parce que dans la plupart des livres de philosophie, vous trouverez que l'origine de l'homme, c'est le rire, c'est l'art, c'est la parole ou la conscience de la mort qui singularise l'homme. Kubrick nous dit autre chose, ouais. C'est la technique. Ouais. Et il va encore plus loin que ça, il nous dit, celui qui est responsable de l'évolution humaine, eh bien, c'est pas finalement Abel, c'est plutôt Caïn. C'est-à-dire que tous les hommes, les premiers hommes, sont tous des assassins. Donc il y a ce présupposé philosophique très puissant qui lie la technique à la guerre et à l'hominisation que vous ne trouverez pas dans les autres films. Mmh. Et c'est pour ça que, indépendamment des prouesses technologiques de Kubrick, qui aujourd'hui peuvent sans doute être égalées, il y a une ambition philosophique qui travaille le film et qui, elle, est très difficile à égaler. Suite et fin de notre bivouac dans l'univers de Kubrick et de son film 2001, l'Odyssée de l'espace, en compagnie de Sam Azulis et Jacques Arnoux, dans un instant. Et nous venons d'apprendre la triste nouvelle de la disparition d'Aretha Franklin, surnommée The Queen of Soul, la Reine de la Soul. Elle vient de s'éteindre à l'âge de 76 ans, à son domicile, à Détroit. En hommage, on écoute Do Right Woman, Do Right Man. Take me to heart, and I'll always love you. And nobody can make me do wrong. Take me for granted, leaving love unsure. Makes willpower weak and temptation strong. Should understand she's not just a plaything, she's flesh and blood just like her man. If you wanna do right, Do Do Right Woman, Do Right Man d'Aretha Franklin qui vient donc de nous quitter aujourd'hui. Sur franceinter.fr, vous trouverez une playlist de 35 titres emblématiques d'Aretha Franklin qui a été donc concoctée par le service programmation de France Inter. Et ce soir, diffusion à 20h d'un concert d'Aretha Franklin pour lui rendre hommage. Vous avez vu ces photos ? Tenez, jetez un peu d'œil là-dessus. C'est ça qui a tout déclenché. Ah, ouais. Lorsque nous avons détecté sa présence, nous avons d'abord pensé que c'était une roche magnétique qui affleurait à la surface. Mais toutes nos connaissances géologiques infirmaient cette hypothèse. Même une grosse météorite de nickel pur ne peut donner un champ magnétique aussi intense. Alors nous sommes allés voir. Nous avons cru que c'était la partie supérieure d'une structure enfouie. Nous avons donc creusé tout autour, mais nous n'avons rien trouvé d'autre. Oui, le plus étrange, c'est l'existence de preuves indiscutables que cet objet n'a pas été recouvert par un processus géologique. Il semble qu'on l'ait enfoui dans le sol volontairement. Volontairement ? Vous n'avez pas la moindre idée de ce que ça peut être. J'aimerais bien le savoir. Non, la seule chose dont nous soyons sûrs, c'est qu'il est là depuis 4 millions d'années environ. Eh bien, je vous félicite. Je crois que votre trouvaille va faire beaucoup de bruit. Un nouvel extrait du film 2001, l'Odyssée de l'espace, que nous revisitons 50 ans après sa sortie, dans le temps d'un bivouac, en compagnie de Sam Azulis, auteur de Stanley Kubrick, une odyssée philosophique aux éditions de La Transparence, et en compagnie de Jacques Arnoux, auteur de Oublier la Terre, la conquête spatiale 2.0, aux éditions Le Pommier. Il y a ce monolithe noir que l'on a à peine évoqué et qui est pourtant le trait d'union entre les quatre chapitres très différents de cet opéra, de cette odyssée de l'espace. Il y a d'ailleurs Louise qui nous suit et qui nous envoie cette question sur Internet. Quelle est la représentation du monolithe ? Ça, c'est la question. C'est certainement la grande question, d'autant qu'il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet. Est-ce que le monolithe représente le progrès ? Est-ce qu'il représente la causalité, la raison hegelienne ? Beaucoup d'interprétations. Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est une sorte des cinq commandements ? Est-ce que les dix commandements ? Ouais. Qu'est-ce que les c'est tables que de la loi. Ouais, les tables de la loi, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, la réponse, sans doute, c'est que Kubrick ne privilégie pas une interprétation aussi littérale. Kubrick procède par soustraction, par recherche, et ce qu'il a fait au départ, c'est qu'il voulait que ce monolithe soit une pyramide, ensuite un tétraèdre, enfin il a pris beaucoup d'aspects différents, et au départ il devait même être transparent, ça doit être un bloc de plexiglas transparent dans lequel on projetterait des images. En fait ça ne marchait pas, donc c'est devenu un monolithe noir, celui qu'on connaît. Qu'est-ce que c'est que ce monolithe finalement? En se limitant à ce qu'on voit dans le film, on pourrait dire que c'est ce qui permet, ce qui relie l'homme au cosmos. C'est le trait d'union entre l'homme et le cosmos, et c'est ce qui va permettre à l'homme de se projeter dans le temps. Et ce qui va, d'une certaine manière, astraliser leur pensée, c'est-à-dire transmettre le mouvement des astres aux hommes par le biais de cette intelligence du futur qui va leur permettre de maîtriser l'outil. Pour vous, Jacques Arnoult, c'est quoi ce monolithe? D'avoir une contre-lecture, mais une lecture complémentaire. Aujourd'hui, c'est nous qui construisons les monolithes. Parce que dans la première nouvelle d'Arthur Clarke, ça s'appelle La Sentinelle. Ouais. C'est un objet qui sert de lien à nous surveiller, entre guillemets, à voir est-ce que nous allons aller jusque sur la Lune. Ça veut dire que nous sommes capables d'aller là et au-delà. Donc, et là, un signal est envoyé vers Jupiter et encore ailleurs. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ce monolithe. Nous avons envoyé nous-mêmes des monolithes. Ouais. Il y en a qui sont en train de partir vers le Soleil, il y en a qui vont au-delà du système solaire. Donc j'aime bien aussi cette lecture-là. Et c'est ça qui est intéressant quand un film nous amène plus loin que le film. Et là, alors, c'est très bien vu. Je vous avais promis de laisser le mot de la fin à Stanley Kubrick lui-même, qui ne voulait pas trop donner d'explications, mais qui en a quand même donné quelques-unes, et notamment pour expliquer la fin de son film. Alors là, que l'on l'ait vu ou pas, c'est assez obscur ce qu'il va dire, mais ceux qui ont vu pourront comprendre ce qu'il veut dire. Pour ceux qui se sont toujours demandé ce qu'il avait vraiment imaginez à la fin, voici un élément de réponse de Kubrick lui-même. J'ai essayé d'éviter d'en parler depuis la sortie du film. Quand on les dit, les idées semblent stupides, alors que si on les montre à l'écran, les gens les ressentent. Mais je vais essayer. Il est enlevé par des entités semblables à des dieux, des créatures d'énergie et d'intelligence pure, sans contour ni forme. Ils le mettent dans ce qu'on pourrait décrire comme un zoo humain pour l'étudier. Et toute sa vie se déroule par la suite dans cette pièce. Il ne ressent pas le passage du temps. De son point de vue, tout semble se dérouler tel que montré dans le film. Quand ils en ont fini avec lui, comme c'est le cas dans des tas de mythes de toutes les cultures à travers le monde, il est transformé en une sorte d'être supérieur et renvoyé sur Terre. Il est devenu une sorte de super-héros. Voilà l'explication, ce nom Stanley Kubrick, de ce qui arrive à Dave à la toute fin du film, que l'on voit vieillir en vitesse accélérée après être passé dans une sorte de couloir psychédélique et puis qui évolue dans une pièce à la fois moderne et en même temps dans un style un peu Louis XVI. Vous êtes satisfaite de cette explication ou vous auriez préféré que Kubrick ne la donne jamais? Non, mais là je pense qu'il parle surtout de la trame du roman. On retrouve ça dans le roman effectivement, mais ce qu'il a fait, son film le dépasse. Et heureusement d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il va plus loin ce film. Et on peut le voir effectivement comme le retour d'Ulysse, ouais, sur sa planète natale. Cette Pénélope, en fait, c'est la Terre. Et je trouve que cette vision allégorique est peut-être encore plus belle. En tout cas, il y a tellement d'interprétations qu'on ne cessera jamais de s'ennuyer avec 2001. D'une certaine manière, 2001, l'Odyssée de l'espace, a échappé à son créateur. Merci Jacques Arnoux et Sam Azulis. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Jacques Arnoux, Oubliez la Terre, la conquête spatiale 2.0 aux éditions du Pommier. Et Sam Azulis, Stanley Kubrick, une odyssée philosophique aux éditions de la Transparence. Je vous présente notre invité de la deuxième heure, Ludovic Escande. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur, vous n'êtes pas un grand sportif, vous avez le vertige et vous vous êtes lancé dans une aventure périlleuse, l'ascension du Mont Blanc. Mais vous étiez accompagné par des alpinistes chevronnés et non des moindres, Sylvain Tesson et Jean-Christophe Ruffin. Vous allez nous raconter comment s'est passée cette expédition. Nous allons voir si vous avez réussi à vaincre votre vertige. Ce sera tout de suite après le flash, dans un instant.